ne t'envisage plus. Ma peau se fond dans le silence. Je cherche un autre début. Une route à mettre en évidence. Tu es parti de nous. Nous en partie que je suis. Suivant un rêve, rêvant de nous. Nous en partie que tu es. Comme évidence.